Zo, Crack Park Project. Antipode, studio VMCHO. Il en faut peu pour que mes rêves deviennent des cauchemars. Qu'y'a rien qui schémarre et que tout ça se finisse mochement. Il en faut peu pour que nos ambitions nous dépassent. Sache que le temps passe et que la vie te remettra à ta place. Les questions se bousculent, mélodie, qu'est-ce que je vais devenir? La musique, ma chimère, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Retourner trimère, garder le temps filer sous mes yeux. Ou tout plaquer, filer vite fait sous d'autres cieux. Le cul entre deux chaises, pieds poings liés, pris entre deux chaînes. L'avenir s'annonce plein de choix et chacun d'eux se perd à chair. Les rythmiques ne rebondissent plus, je perds mon temps dans des disputes. Je décolle et il en faut peu, j'atterrisse plus. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange. Souvent il m'en faut peu pour que la colère prenne le dessus. Trop déçu de tout ça, je remballe tout et je rentre dans mon sale sud. Ma petite vie recommence, les mêmes embrouilles comme d'hab. Pas recommandable, juste un fantasme à la con de ces dames. Il en faut peu pour que je coupe tout, téléphone, électricité, gaz et que je me barre à Tombouctou. Loin des boules crades, des trackers et de leurs contrats. J'aurai toujours les postcards pour taper le bout gras. Il en faut peu pour constater que ce monde tombe pas rond. On se bouche le nez sous un grand ciel marron. Il en faut peu pour qu'on croie toucher la racine. On assume et reste seul quand on disparaît de la scène. Il en faut peu pour que j'arrête de rapper pour toujours. Mes vidages de triple lyrical en tout genre. Il en faut peu pour que le genre nous obsède. Je les observe et pour l'argent ils deviennent obscènes. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange. Il en faut peu pour qu'on perde les pédales. Un à un qu'on arrache les pétales de notre vie. On fait le vide de sentiments. Il en faut peu qu'on bouge plus les pieds dans le ciment. Il en faut peu pour qu'on soit prêt au pire pour quitter le bar. Ou qu'on ait besoin d'une bonne série de coups de pied au cul pour quitter le bar. Il en faut peu pour qu'on sente seul un peu comme Crusoe. Te jure, y'a pas que sur les comptes en banque que c'est la crise, ouais. Il en faut peu pour qu'on ne croit plus en rien. Bonjour, au revoir, merci, de rien et c'est tout. Il en faut peu pour que ça se résume à ça. On s'arme comme on peut pour faire taire ce qu'on ressent. Il en faut peu pour que la pas du gain nous excite. Le globe devient sexy, nos cœurs deviennent en plexi. Il en faut peu pour regretter, le coup est parti. Coup de sifflet final, fin de partie, partie. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange. Il en faut peu pour que tout à coup tout change. Il en faut peu pour que tu me trouves lourd ou touchant. Il en faut peu pour que les gens changent, pour que la vie change. Il en faut 10 des plans de rechange.